Chapitre 3e, Marie-Ange. Pendant ce temps-là, René frandait les vagues, arrivait à l'autre bord, y attachait son canot et gagnait la plus belle maison de Dinard. Située au sommet occidental de la côte, cette maison dominait à la fois le village et la route, la campagne et la mer, et le petit havre animé par les bateaux de passage. Alentour régnait un jardin, planté de légumes et de fleurs, ombragé d'une forêt d'arbres à fruits, et environné de ces talus rehaussés de haies vives qui donnent un si gracieux aspect aux fermes bretonnes. Cette année-là, le printemps était éclos un bon mois d'avance. Aussi, rien n'était charmant à voir aux yeux du soleil couchant, comme ce jardin tapissé de mousse humide, tendu de verdure flottante, émaillé de fleurs agrestes, embaumé de parfums sauvages. On eût dit une vaste corbeille d'épines blanches, d'églantines roses, de pâles marguerites et de boutons d'or, sur laquelle chaque pommier, se dressant comme un gros bouquet, laissait pleuvoir, au souffle du soir, une neige odorante. Eh bien, il y avait dans ce joli séjour quelque chose de plus joli encore, c'était une jeune fille qui venait d'apparaître, ou plutôt de s'épanouir à une croisée, comme la reine des fleurs de l'enclos. Rappelez-vous en effet tout ce qu'il y a de plus frais et de plus gracieux dans vos souvenirs. Les joues vermeilles de l'enfance, une bouche à tromper les abeilles, des traits à décourager la miniature, des cheveux qu'on eût pris pour de l'or transparent, et puis cette taille à la fois svelte et arrondie, souple et vigoureuse de la jeune fille prête à devenir jeune femme, en un mot, la tête de l'amour sur le corps de sa mère, tout cela dans le riche costume des portraits de la Guillière et de Mignard, avec certaines formes villageoises qui semblaient annoncer bateau. « Bonsoir, Marie-Ange, » dit René sous la fenêtre, à demi-voix et la main sur ses lèvres. En trois pas, il fut dans la chambre, mais la surprise le cloua sur le seuil. Au lieu d'accourir à lui comme il s'y attendait, Marie-Ange lui sourit à peine et demeura sur sa chaise. Marthe, la vieille servante, ne l'avait pas même aperçue. Elle avait un air abattu qui tenait de l'idiotisme et qui formait le plus étrange contraste avec sa figure virile, armée de bourgeons et de moustaches. Ce fut un nouvel étonnement pour René, qui n'entrait d'ordinaire à la maison qu'en terrassant ce dragon femelle. « Singulière figure de carnaval ? » reprit-il avec sa gaieté communicative. « Qu'avez-vous donc, petite sœur ? Où est M. Bernard, votre père ?» À ce nom, Marie-Ange saisit la main de René, mais elle laissa échapper un torrent de larmes. Puis il raconta que depuis 2 jours, son père était disparu sans que personne n'eût pu retrouver sa trace. On le supposait noyé dans la baie ou enlevé, sinon égorgé par des corsaires. Il faut dire que M. Bernard était lui-même un des corsaires les plus redoutés de Saint-Malo. Après 20 ans d'expéditions brillantes et lucratives, il s'était retiré dans sa jolie maison de Dinard, où il se reposait en exerçant les fonctions qu'avait commencé sa fortune, celle de pilote auturier du roi, dont ses aïeux se glorifiaient de père en fils. Marie-Ange, sa fille unique et son idole, était la sœur de lait du jeune Trouin. De là, l'intime liaison qui existait entre ces deux enfants, et qui ne laissait pas d'effaroucher depuis quelque temps la bonne Marthe. Plus sa maîtresse devenait jolie, plus M. René lui semblait dangereux, car il ne parlait guère de mariage et c'était le plus mauvais sujet de Saint-Malo. L'honnête dragon, d'ailleurs, gardait les pommes d'or pour un rival, d'autant moins suspect à notre héros qu'il lui touchait de plus près. Mais ce jour-là, toutes les préoccupations étaient pour M. Bernard. Soit légèreté naturelle, soit égoïsme d'amoureux, René trouva ses préoccupations exagérées. « Allons donc » s'écria-t-il en essuyant les larmes de la jeune fille et en admirant son visage embelli encore par cette rosée. « Votre piété filiale bat la campagne, ma chère sœur. Jamais navire ni barque n'ont chaviré sous un Bernard. Votre père d'ailleurs nage comme un poisson. Quant aux corsaires, il sait trop bien les prendre pour se laisser prendre par eux. Il se sera tout simplement chargé de la conduite d'un vaisseau ami. » Et il n'aura pas eu le temps de vous prévenir de son départ. C'est ce qu'il n'a jamais fait, dit Marie-Ange, voulant et n'osant espérer. Vous savez le proverbe, reprit le jeune homme, il y a un commencement à tout. Par exemple, ajouta-t-il en serrant les blanches mains de la jeune fille et en se mirant dans l'azur de ses beaux yeux. Vous ne m'avez jamais dit encore que vous m'aimiez, autrement qu'un frère, à moi, qui ne vous parle plus depuis 6 semaines que de mon amour. Et vous allez me le dire aujourd'hui pour la première fois, afin d'adoucir l'amertume de nos adieux. « Vous partez ? » s'écria Marie-Ange, et ce mot valut presque celui qu'on implorait d'elle. Il réveilla en sursaut la pauvre Marthe, dont tous les bourgeons flamboyèrent d'indignation. « Il faut bien que je parte, hélas !» continua René en se rapprochant de Marie-Ange. « Mon père arrive ce soir ou demain de Brest, avec mon frère Luc, et vous savez que si ce cher père me trouvait à Saint-Malo... »« Oui, nous savons qu'il vous étrierait de la bonne manière, » interrompit Marthe, en arrachant René de son siège, comme pour joindre la démonstration à la parole. « Ce digne monsieur Trouin, » ajouta-t-elle les bras croisés et les moustaches frémissantes, « ce digne monsieur Trouin, qui vous croit plongé dans les lois et les ordonnances de l'université, quand depuis 2 mois on ne voit que vous au tripot et à la taverne, à la salle d'armes et à la comédie, partout il y a de l'argent à perdre, des vitres à casser, du sang à répandre et de pauvres filles à... » Elle n'acheva pas sa phrase, car René lui en fit avaler le reste et la rejeta sur sa chaise en feignant de l'embrasser. C'était sa plaisante manière de calmer les emportements de la bonne femme. « Tout beau, ma chère Marthe !» lui dit-il avec une gravité qui la fit rire elle-même, et la désarma suivant l'usage. « Apprenez que la soupe au lait qui s'enlève se perd dans les cendres, et qu'un vieux proverbe dit « Tu te fâches, donc tu as tort. Voilà tout ce que je possède de la sagesse des nations, je vous l'offre de grand cœur. Quant à mon père, il oublie aussi que le naturel chassé par la porte rentre par la fenêtre, et il servira d'exemple à ceux qui prennent la vocation de leurs enfants à rebours. Il a beau me destiner à la robe, ventre bleu, je suis fait pour l'épée. Je ne connaîtrai jamais d'autre côte que celui de la mer, d'autre tribunal qu'un bon navire, d'autre plaidoirie que celle des canons, et d'autre chaîne que celle dont Vénus attachait Mars. » ajouta-t-il en se retournant gracieusement vers Marie-Ange. Puis, tandis que la duègne grommelait encore entre ses dents, il revint s'asseoir près de la jeune fille, lui répéta à demi-voix de tendres paroles, et finit par lui présenter une bague enrichie de pierreries. Marie-Ange rougit en hésitant, essaya la bague avec une joie naïve, puis la tira brusquement et la rendit avec un soupir. René s'aperçut alors qu'elle en avait une autre au doigt, un simple anneau d'or, il est vrai, mais qui recevait de cette préférence un prix inestimable.